Salut, Blon, c'est moi. Désolé si j'ai pas répondu, mais je sentais que tu m'appelais parce que tu voulais pleurer. Alors je me suis dit, oh putain, là, il y a Blon, il doit être énervé. Mais bon, je te rappellerai demain au NC4. Allez, ciao. Salut, Blon, tu devineras jamais où je suis. Je suis à Saint-Étienne, la ville de ta femme. Et je suis avec deux autres Blonds, le Blond de Strasbourg et le Blond de Amiens. Et ça va être une méchante soirée. Oh, on est champions! Oh, on est tous champions! Ah, Blond, sérieux, tu m'appelles, tu me laisses un message, après tu réponds même pas. T'abuses, t'abuses. Bon, ben, je suis avec les Lyonnais, les Nordiques, les Blonds et tout. C'était génial, hein. À la fin, on a joué avec Sepi, il a improvisé avec nous. Et c'était trop puissant. Si t'es avec Cham, passe-lui encore le bonjour. Salut! Alors, je sais pas, c'est à qui ce numéro? Et si c'est toi, Blond, vieux forban? Tu sais bien que la plupart du temps, je prends pas mon tel pour aller bosser. Ah, Blond, j'espère que tu t'es bien lavé le cul, parce qu'il paraît que tout bon est dans les parages. Salut, Blond, c'est Théo. Je vois que t'es encore avec tout bon. Tu me déçois beaucoup. Je te laisse un message. T'es pas trop enculé par tout bon. À bientôt, Blondette. Alors, bon, t'es en train de sucer tout bon, te faire sucer par le PD chinois. Je pense que tu travailles. Je te rappellerai ce soir. Ciao. Feignant. Feignant. Ah, Blond, on m'appelle pas pendant la sieste, gros. Ah, Blond, faut pas te rendre triste pour si peu. Quand tu m'appelais, en fait, je dormais pas, je parlais avec des Sénégalaises. Mais bon, je peux pas te dire ça comme ça, alors je suis obligé de le dire. Donc, sois pas désolé. Ben, je suis avec les filles, je leur ai parlé de ton petit projet pour demain et j'essaierai de te rappeler plus tard. Voilà, Blond, hein, si tu vas en voyage avec le train, prends soin de ta femme et je te dis à plus. Oh, le Blond, comment tu respectes pas? Bon, je te rappelle, mais beaucoup plus tard parce que là, je vais faire un petit break-off. Ciao. Oh, le Blond, je suis en train d'écouter Tolar en pleurant. Franchement, tu pourrais me rappeler, sérieux, quoi. Oh, le Blond, tu m'appelles le soir de The Voice, mais tu fais un fada, toi? Bah, je sais que ça va. J'ai des soucis avec Data parce qu'il n'y a plus les mêmes locataires et tout, je sais pas. T'es en train un peu de me rendre fou, je t'avoue. Mais t'inquiète. Et en plus, je vais être remboursé là, je vais t'envoyer le fric par courrier parce que c'est plus simple pour moi. Je te dis à bientôt et bon courage. Il est blond, il est dead, le cierge levé, il te met un coup de sabre. Ah, Pascal, t'as un problème de répondeur, c'est une femme nazie qui te parle, ça fait bizarre, hein. Franchement, je te dis, ça fait bizarre. Écoute, la nuit dans les bois, c'était la misère des misères, mais ça va parce que j'ai quand même rêvé que j'ai niqué avec une femme, donc j'ai pas mal dormi. Il y avait beaucoup d'insectes, des frelons, des trucs de fou comme ça, des trucs qu'il n'y a que les druides qui supportent. Ouais, Blond, c'est moi. Ben, je t'appelle comme ça. C'est vraiment le plus snob des Blonds. Allez, je te dis à tout à l'heure. Là, je fais partir du cercle électrique, mais je cherche la deuxième entrée du métro. Et comme tu veux pas me renseigner, je vais galérer comme un ouf. Donc, je te dis à plus tard. Don Pascal, j'ai reçu la cargaison de tofu. Salut Blond, c'est Théo. Je voulais juste te demander un petit renseignement. Dans le cauchemar en cuisine que tu as vu à Marseille, c'est avec le présentateur français ou le présentateur anglais? Voilà, c'est tout. Alors, si tu peux m'envoyer un petit texto pour me dire, parce que je voudrais pas me tromper. Allez, ciao, à plus. Ah, le Blond, je suis sûr que t'es encore en train de manger le dessert avec tout bon aux instants chaves, espèce d'animal. Ah, le Blond. Ah, Blond, c'est moi. Ben, je te rappelle, t'étais pas là, t'abuses, t'es un blond. Ah, blondasse. Blondasse. Ah. Salut, blond. Ouais. Salut, Pascal, c'est Théo. J'espère que tu vas bien, que ta mère elle va bien, que tout le monde va bien, que ta femme elle va bien. Je t'appelle parce que Anna, elle pense qu'elle a oublié l'étui de son micro dans ta bagnole. Et voilà, je voulais savoir si tu pouvais pas vérifier ou quoi, ou si tu le trouves, de le prendre avec toi et après vous vous arrangez pour qu'elle le récupère. Et nous, on a trouvé dans la grosse caisse un jack qui n'était pas à nous, alors je voulais savoir si un jack noir avec les prises argent, là, tu sais, les jacks bidons, là. Et on voulait savoir si c'était à toi, voilà. Voilà, écoute, je te dis à bientôt et bon concert. Ah, le blanc, c'est moi. Et si tu peux me rappeler, c'est génial, comme ça tout le monde entend que j'ai la sonnerie du parrain. Allez, ciao. Salut, c'est Théo. Je voulais te dire que j'avais perdu ton numéro de portable. Et voilà. Donc, j'ai eu ton message, mais je ne l'ai pas écouté jusqu'en entier. J'ai juste entendu, blond. Et voilà, je suppose que tu m'appelles pour me parler de la couverture de Noise Magazine. Je suis sûr de ça. Bon, ben écoute, je te dis à plus.